les technologies de l'information n'ont aucun secret pour la personne que j'ai en face de moi. Je parle bien sûr à Raymond Poirier, bonjour. Bonjour. Alors, ton sujet d'aujourd'hui, c'est que, bon, ce vendredi, tu organises une activité sur l'utilisation des technologies en création artistique. Exactement. En fait, c'est un peu une série qu'on propose, parce qu'en observant un peu ce qui se faisait sur différentes thématiques, on se rend compte qu'il y a plein de domaines d'expertise qui travaillent essentiellement sur la même thématique. Évidemment, bon, c'est le cas dans la sphère de la création artistique. Il y a des artistes qui travaillent grâce aux technologies à des développements artistiques. Il y a aussi des gens du côté de génie qui travaillent à développer des outils pour une utilisation artistique. Il y a des gens qui en font en géomatique, en musique, bref, dans plusieurs champs d'expertise. Et la façon dont on intègre les technologies va être à la fois similaire et différente, mais va permettre de servir de support, si on peut dire, au développement de la création artistique. Alors, c'est un peu ce qu'on va explorer. C'est une activité qu'on appelle Carrefour numérique. Le titre officiel, c'est la technologie au service de la création artistique. Une activité qui va être présentée vendredi prochain, 3 octobre, à 8h30. Donc, c'est un avant-midi, en fait, essentiellement, sur le campus de l'Université Laval. Et je me suis dit, profitons un peu de cette occasion-là pour explorer et voir un peu à travers justement 4 projets de recherche, les 4 projets qui vont être présentés vendredi, mais quelle incidence peut avoir les technologies dans un contexte de création? Vas-y, je suis tout oui, ça peut vraiment aider les gens qui sont en processus créatif, qui veulent soit innover ou avoir des nouveaux outils qui, eux, sont innovateurs. Exactement, parce que reste qu'il y a une dimension à la recherche qui fait que toujours peut-être un positionnement différent face à la technologie, des éléments peut-être parfois aussi de recherche fondamentale, des applications artistiques. Et évidemment, on peut y aller très, très techno, mais on peut y aller aussi léger, simplement au niveau de la littérature, par exemple. Donc, il y a l'idée que, évidemment, la sphère des possibles se transforme en toute la question du livre numérique, toute la question des nouveaux supports qui se posent, mais d'une certaine façon, reste que l'acte d'écrire demeure, en fait. Donc, le numérique, il apporte, en fait, une nouvelle dimension d'interactivité, il apporte de nouvelles manières aussi pour les auteurs de s'approprier le territoire du numérique pour que leur écriture évolue, pour que leur écriture se retrouve dans des situations où, d'une certaine façon, la fragmentation est de plus en plus importante. Bon, par fragmentation, on pense par exemple à l'intégration d'hyperliens qui fait que la création littéraire à l'heure du web peut faire littéralement office de labyrinthe dans une certaine mesure. Donc, il y a des dynamiques comme ça, comment on peut jouer avec le code, avec les éléments de programmation pour créer autre chose, pour créer une littérature sur le web, une poésie sur le web. Et en parallèle, il y a aussi toutes les possibles qui est offert par les nouveaux modes de diffusion. On pense à Twitter ou d'autres éléments. Le professeur qui va faire la présentation vendredi du côté de la littérature, René Audet, disait dans une autre conférence il y a ça quelques années au bout du compte, quand on regarde Twitter et les 140 caractères, c'est pas quelque chose qui est si nouveau. L'idée de s'exprimer en peu de mots, en peu de termes, il y avait les dictons et les maximes et les proverbes qui existaient à une certaine époque. Donc, c'est simplement des processus qui existaient, mais qui se voient poussés, interprétés, proposés différemment avec les avancées technologiques. Ben oui, il y a les haïkus aussi. Exactement. Hein? Bon, voilà. tu viens de m'inspirer, vois-tu, je ne suis en aucun cas en création littéraire. Et pourquoi pas un livre dont vous êtes le héros, mais via Internet. Chaque lien amène à une page qui fait en sorte que c'est une aventure fantasmagorique. Mais bref, vois-tu, tu m'inspires déjà. J'imagine que les autres personnes qui écoutent sont inspirées par tes propos. Tu peux continuer, j'ai fini ma bulle. Et peut-être deuxième proposition, du côté de musique, en fait, on va aller à la découverte vendredi du professeur Aaron Neo Rosenbaum qui prépare une collaboration avec le Musée de la Civilisation, donc une installation interactive. Et l'idée, en fait, c'est d'explorer la manière dont on, grâce à la technologie, d'explorer la manière dont on perçoit la technologie. Dans la mesure où le son vient à changer selon la nature des capteurs, en fait, qu'on écoute par exemple l'émission ici à CKRL en balado à partir d'un téléphone intelligent, qu'on l'écoute sur Internet, qu'on l'écoute en auto ou à la maison avec un gros système de son, ça en vient à changer. Mm-hmm. Mais également, si mon fils de 2 ans écoute l'émission, si un adolescent de 14 ans l'écoute, si une personne âgée de 75 15 ans de l'écoute, il n'y aura pas non plus nécessairement la même perception, puisque selon l'émetteur et selon le capteur, ben, il y a changement dans les paramètres d'écoute. Et donc, évidemment, ça veut dire qu'il y a un bel exercice aussi qui peut être fait autour de ça. Oui. Et donc, ce que le chercheur va tenter de faire, lui, dans son installation, c'est d'amener le spectateur à plonger dans différents univers sonores numériques. Donc, il y a des capteurs de mouvement qui vont modifier les sons pour qu'ils puissent les expérimenter comme s'ils écoutaient avec les oreilles de quelqu'un d'autre. Donc, on va pouvoir se mettre dans la peau d'un bébé pour voir comment il écoute. On va pouvoir se mettre aussi dans la peau d'une personne qui est sourde, par exemple, et de voir qu'est-ce qui est émis, quels sons qui sont perçus et le reste. Donc, de voir un peu les différents modèles d'audition. Et ça, c'est le genre de projet que, sans la technologie, ben, ce serait tout simplement pas possible de mener, justement, ce type d'exploration-là, ce type d'immersion-là. C'est bien trop vrai, parce que il y a les restaurants Sixième Sens qui nous offrent d'être aveugles, mais pas besoin de technologie pour simuler le fait d'être aveugle, mais pour simuler le fait d'être sourd. Ça prend un minimum de connaissances et de technologies applicables. Ou les degrés d'écoute. Et moi, c'est ouais. c'est là dessus que ça me happe. Je veux dire, un bébé, comment il capte, et je veux dire, on s'en rappelle physiologiquement pas, mais ouais. de pouvoir replonger dans un état de perception sonore de ce type-là, ça doit être assez stimulant. Ben oui, puis on a, comment faire pour arriver à percevoir les fréquences qu'on ne pourrait pas nécessairement entendre? Je pense juste aux adolescents qui sont dispersés par une fréquence que les adultes n'entendent pas pour les empêcher de flâner. Il y a cette technologie-là qui est disponible. Mais bref, oui, ça donne à penser, puis c'est je suis curieux d'en entendre davantage. Et évidemment, vendredi, on n'aura pas la résultante, on va avoir plutôt le chemin vers cette résultante-là, oui. puisque le chemin est encore en train d'être parcouru. Et d'ailleurs, au niveau des dispositifs d'immersion et de la relation qu'on a avec les environnements qui nous entourent, il y a un doctorant en recherche, création, culture numérique, Jean-Ambroise Vezac, qui va venir nous présenter, lui, ses travaux de recherche de manière générale. Et lui s'intéresse beaucoup, justement, au contexte d'écoute et au jeu qui peut être fait avec ce contexte-là. Donc, il y a d'un côté des projets d'écoute un peu plus immersive. Donc, une espèce d'installation, en fait, vous irez taper Jean-Ambroise Vezac sur votre moteur de recherche favori, vous devriez tomber sur son site, voir quelques vidéos, mais essentiellement, donc, une installation qui a circulé un peu dans les biennales d'art numérique, où on a une espèce de boîte sur pied. Donc, la personne qui écoute s'installe, rentre par en dessous, donc, et se lève, ouais. se met debout et se retrouve entouré par une espèce de paroi vitrée, par des écrans. Et dans ces écrans-là, quand on démarre l'installation, il y a des couleurs très, très criardes qui s'émettent, qui commencent à être émises. Et évidemment, ben, on est à l'intérieur de cette installation-là avec des lunettes pour protéger les yeux parce que la lumière est assez brillante. Mm-hmm. Et il y a un système de 8 capteurs audio, 8 émetteurs audio qui sont un peu partout là-dessus. Et sur les lunettes, il y a un petit capteur qui permet à un logiciel de savoir où on se trouve à l'intérieur de la boîte. Et là, selon l'endroit où on se déplace dans la boîte, si on est plus d'un côté, ben, on entend les capteurs qui nous entourent. Si on se déplace, si on se penche, si on se lève, ben, les capteurs qui sont sollicités ne sont pas les mêmes. Et chaque capteur n'envoie pas non plus la même ambiance. Et donc, ce qui fait qu'on a une simulation à la fois visuelle et auditive, et à la fois qui est liée à la position qu'on a à l'intérieur de cette machine-là. Donc, ça fait une espèce d'expérience immersive, si on peut dire. Donc, assez particulier. Et lui a décidé aussi de s'amuser à voir les possibles sur la délocalisation de ce type d'expérience-là. Donc, en se disant, ben maintenant, si on prend ça, mais qu'on l'amène sur notre appareil mobile. Par exemple, je me promène avec ma tablette et dans la ville, j'ai, selon l'endroit où je me trouve dans la ville, une couche additionnelle sonore, par exemple, qui vient d'être proposée selon l'endroit où je me déplace et que je peux avoir aussi accès à certains éléments visuels qui viennent bonifier cette couche-là. Donc, une trame de déplacement additionnelle, l'idée d'intégrer des récits à l'intérieur de la ville. Encore là, grâce aux technologies, grâce au fait qu'on peut savoir le positionnement qu'on a, soit dans un espace fermé, soit dans un espace ouvert, et qu'on peut, en fonction de ce positionnement-là, proposer un contenu spécifique. Ben oui. Écoute, tu me mets tellement la puce à l'oreille. Non, je suis vraiment curieux de vivre toutes ces expériences que tu proposes. Mais... Et un petit dernier, Michel? Oui, oui, ben oui. Un dernier petit clin d'œil, en fait, parce que ça, les gens en ont un peu plus entendu parler. C'est le castellet électronique du Lantis. En fait, il avait été mis de l'avant, d'ailleurs, à premier acte, je pense, l'année dernière, dans le voyage de Tchekhov à Sakhaline. Donc, une espèce de scène robotisée. Et ça, c'est toujours intéressant de voir un peu, le point de vue artistique, de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de scène-là. Mais nous, ce qu'on va aller chercher vendredi, c'est plus le point de vue technique. Donc, comment un spécialiste de la robotique, un spécialiste de la vision industrielle, ont reçu cette proposition-là, ont reçu les premiers contacts justement avec les artistes, et comment on a réussi à faire une co-création entre des gens de lettres et de scène, et entre des gens de science et de génie, pour créer une scène robotisée qui a quand même connu un beau succès de côté scientifique, qui a été présenté à l'étranger, à l'international. On parle quand même d'une vingtaine de personnes qui ont travaillé 4 ans pour parachever le prototype final de ce castellet électronique-là. Une qualité première d'une maquette qui avait été créée à l'échelle 1-10, qui permettait donc l'intégration de différents médias dans un même outil. Donc un éclairage intégré, miniaturisé, une projection d'images en réalité augmentée, une scène déformable également, un peu à la manière d'une série de pixels. Alors, de quelle manière on le fait d'un point de vue robotique? Alors, c'est aussi ce qui va être exploré. Tu nous rappelles à quelle heure et c'est où? Oui, c'est donc vendredi 3 octobre à 8h30, donc c'est l'avant-midi de ce vendredi. C'est au local 2320 du pavillon Alphonse Desjardins à l'Université Laval. Et si les gens n'ont pas tout pu prendre en note, veulent pouvoir explorer un peu plus avant, eh bien, ils peuvent se rendre sur www.itis.ulaval.ca. Toute l'information s'y trouve également. Alors, les gens qui veulent en connaître plus au sujet de la technologie au service de l'art, vous êtes maintenant informés et vous le serez encore plus ce vendredi. Raymond, merci. Ça me fait plaisir.